بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. روى الإمام مسلم رحمه الله عن تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Donc النصح، النصيحة، conseiller, ça fait partie de notre dîn. ومن النصح للمسلمين بيان حال المنحرفين عن الصراط المستقيم. Et fait partie du conseil pour nos frères musulmans, montrer la situation de ceux qui parlent au nom du Coran et de la Sunna, lakin ils sont égarés. Walakin ils contredisent هذا القرآن et cette Sunna. فلهذا قال الإمام ابن باز في رده على الصابوني: ولو سكت أهل الحق عن بيانه لاستمر المخطئون على أخطائهم وقلدهم غيرهم في ذلك. Si ceux qui possèdent la vérité, ceux qui suivent le Coran ou le Sunna avec la compréhension des salaf, ceux qui ont étudié عند أهل العلم et qui ont la capacité de réfuter ceux qui propagent des erreurs, ceux qui propagent l'innovation, فلو سكت هؤلاء عن بيان الحق لاستمر المخطئون على أخطائهم. Et ceux qui propagent des erreurs, ils continueront à propager si tout le monde se tait. C'est pour ça qu'un nasiha, le conseil, c'est pour celui qui fait des erreurs. Et s'il fait ses erreurs en public et il les propage, le conseil, c'est pour les suiveurs. قال وباء الساكتون بإثم الكتمان الذي توعدهم الله في قوله سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. فتأملوا ce verset. On a le fait de se taire alors qu'on a la capacité de montrer, on a la capacité de dévoiler les ambiguïtés et les égarements. هذا c'est très très grave. فلهذا قال عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. Souvent on entend Al-Ba'd conseiller de préserver sa langue, et ça c'est muhim, c'est très très important, on doit préserver notre langue. On n'a pas le droit de parler sans ilm, lakin il y a une autre maladie, un fait un ukhra, c'est le fait de se taire, alors que l'insan, il est capable de montrer la vérité. Qala, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, wa qad akhad Allah ala ulama ahli al-kitab al-mithaq la tubayyinunnahu linnas wa la taktumunah. Allah subhanahu wa ta'ala akhada hadha al-mithaq ala ahli al-kitab. Ay, c'est une obligation de montrer cette vérité. Qala fa idha sakata ahli as-sunnah an bayan akhta man khalafa al-kitab wa as-sunnah shabahu bidhalik ahli al-kitab. Si on se tait en tant que ahli as-sunnah, si on se tait et on montre pas les erreurs qui sont propagées, dans ce cas, c'est une ressemblance aux gens du livre. Qala Cheikh Ibn Baz al-maghdhub alayhim wa al-dhallin. Et les juifs et les chrétiens, ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui se sont égarés. فمن هذا الباب سمعنا ما نشره المدعو نادر أبو أنس هدانا الله وإياه حول الغلو في الردود والانتساب إلى السلفية. Il a propagé une vidéo et il a parlé de ces deux points. Et la base de son audio, c'était sur ces deux points. الردود أو الغلو في الردود l'exagération dans les mises en garde وكذلك الانتساب إلى السلفية le fait de se dire سلفي وقد جانب الصواب أصلحه الله وسلك مسلك أهل الأهواء. Il s'est écarté de la vérité et il a exactement le même discours des égarés de notre époque et ceux qui l'ont précédé. ولهذا وجب الرد والبيان ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. C'est pour ça que on doit se conseiller, s'entraider et montrer les erreurs de هذا الرجل dans cet audio et dans autre inshallah ta'ala pour conseiller celui qui veut accepter le conseil. قد يقول قائل لماذا لا تنصحه سرا وترسل إليه هذه الملاحظات. Souvent quand واحد fait un rad, une réfutation, فالبعض يقولون هذا pourquoi vous propagez cela, pourquoi tu ne lui envoies pas حتى il puisse écouter. الجواب كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى, وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية ولم تبقى له غيبة. Ça fait pas partie de la médisance, fichée. Et on s'efforce à s'écarter de l'injustice. C'est pour ça qu'on essaye de citer leurs paroles à la lettre. Et notre intention, c'est le conseil pour celui qui a propagé, et l'auteur, et كذلك pour les suiveurs. Et vu que ces erreurs, elles sont propagées, min qabl, c'est pas le premier audio qu'il a fait. فالرجل يبروباج و بعض الناس يغترون, et certains, ils pensent que c'est la vérité. ففي هذا الحال الواجب c'est الرد علنا, de montrer en public. وقال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه في الرد على ابن عقيل الحنبلي, ولكن وجب بيان حال هذا الرجل حين اغتر بمقالته قوم واقتدى ببدعته طائفة. مع منزلة ابن عقيل, ابن عقيل الحنبلي quand il a propagé certaines erreurs وزل في بعض المسائل, un autre حنبلي الإمام ابن قدامة رحمه الله رد عليه en public. Et هذا كما تقدم سمين النصيحة, ça fait partie du conseil. Et la question نحن qu'on pose à هؤلاء, si c'est la vérité, pourquoi ne pas l'accepter, même si elle a été propagée, même si on قدر pour lui, et même on va encore plus loin, on قدر c'est une erreur de propager. لكن أنت, si tu écoutes c'est la vérité, délaisse l'erreur et prends la vérité et l'erreur qui a été commise, que ça a été fait en public. Et alhamdulillah, ça ne te fera aucun mal. Ce qui fait du mal à l'insan, c'est de ne pas accepter la vérité. Ce qui fait du mal à l'être humain, c'est de s'entêter. Mais celui qui accepte la vérité, wallahi, anna c'est une riva fi dunya qabla al-akhira. Celui qui accepte la vérité, wa yatawadha lillah wa lilhaq, il se rabaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala, et son but c'est la vérité, Allah, il l'élèvera ici-bas et dans l'au-delà. أما قوله ما ستسأل عني يوم القيامة. Donc au début du dars il a commencé par هذا, أن ما سنسأل عنه يوم القيامة. On peut, نعم, citer sa parole bin nas, tu ne seras pas interrogé sur moi le jour du jugement. هكذا قال. كأنه, c'est pour repousser ceux qui critiquent, et tu ne seras pas interrogé sur moi, ou ceux qui suivent et qui ont des doutes, tu ne seras pas interrogé sur moi, et si tu n'es pas satisfait, ne m'écoute pas. أولا من قال أنه سيسأل عنك يوم القيامة. Personne n'a prétendu qu'il sera interrogé sur toi يوم القيامة. لكن المسألة c'est quoi? أن يتحرى المؤمن غاية التحري عن من يأخذ دينه. C'est vrai que les suiveurs ne seront pas interrogés sur lui يوم القيامة, لكن ils seront interrogés de qui ils ont pris leur دين. Et si ils prennent leur دين d'un égaré, d'un ignorant, quelqu'un qui propage des ambiguïtés, quelqu'un qui mélange dans les masa'il, ça pourra faire du mal à هذا الشخص, et يوم القيامة il aura des comptes à rendre. C'est pour ça que c'est très très important de vérifier ses sources. الإمام محمد بن سيرين رحمة الله عليه قال إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم. أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. إن هذا العلم دين, cette religion c'est, ou cette science c'est du دين. Faites attention de qui vous prenez hadith din. Donc la question c'est pas est-ce qu'ils vont être interrogés sur un tel ou un tel, là la question c'est fais attention akhil karim à tes sources. Wa shay'un akhar anna al-insan in lam yataharra wa yaghtar wa yattabi' munharifan min al-munharifin comme on a dit, si l'insan il fait pas attention, il suit n'importe qui avec cette ambiguïté, tu ne seras pas interrogé sur un tel. Et le musulman il commence à ne pas filtrer. فربما يزيغ وينحرف, ça peut être une cause d'égarement ici-bas et de regret dans l'au-delà. قال الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. هكذا les regrets. Et pour ceux qui n'ont pas fait attention, ils n'ont pas vérifié leurs sources et ils ont été égarés à cause de certains. Donc certains se mordront les doigts et diront Ya laytani ittakhadtu ma'a ar-rasul sabila. Et si seulement j'avais pas suivi une autre voie que celle du prophète alayhi salatu wasalam. Ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalila. Si seulement je n'avais pas pris un tel comme Khalil, comme ami intime, comme compagnon. Laqad adallani 'ani adh-dhikr ba'da idja'ani wa kana ash-shaytan lil-insani khadhula. Donc la cause de l'égarement de cette personne yawm al-qiyamah, c'est les fréquentations, c'est ses sources, c'est son suivi autre que al-Qur'an wa as-sunnah. Fa al-mas'ala c'est pas sayus'al am la yus'al 'ank, lakin idha hasala mink ou minni ou min ghayrina khilaf as-sawab fa la budd min al-bayan wa an-nush. Donc on doit pas essayer de fuir la réalité. La réalité, c'est est-ce que tu as des erreurs, Amla? Est-ce que j'ai des erreurs, Amla? Est-ce que le conseil est fondé sur la vérité, Amla? Si c'est la vérité, on doit accepter. Si c'est pas la vérité, Alhamdulillah, montre. Tafaddal. Thumma, بعد ذلك, نقل كلام الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أو اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله. Une fatwa ou une parole de Lejna Daima avec Cheikh Ibn Baz à la tête du comité sur Al-Ikhwan wa al-Tabligh wa al-Salafiyyin. Donc, et on a oublié de faire la remarque au départ. J'avais l'intention de faire cette réponse en un cours. Lakin tabayyana ça serait trop long. Donc, j'ai décidé de faire en deux parties. La première partie aujourd'hui, ça sera spécifiquement sur le fait de se dire salafi. Yana, il a commencé par cela. Thumma, la deuxième partie, Inch'Allah, lundi, ça sera sur l'exagération dans les mises en garde. Donc, on commence par cette mas'ala. Aïe, le fait de se dire salafi. Est-ce que ça provoque de la division? Est-ce que c'est permis? Il a akhri. Donc, il a cité cette première fatwa de Al-Lajna Da'ima, wa fiha kullu hadhihi al-firaq ay al-ikhwan wa al-tabligh wa al-salafiyyin fiha haqqun wa batil wa khata wa sawab wa ba'dhuhum aqrab ila al-haqq wa al-sawab wa akthar khayran wa a'am naf'a. Donc tous ces groupes, que ce soit les ikhwan, les frères musulmans, ou les tabligh, ou les salafi, tous ces groupes, ils ont de la vérité et des erreurs. وبعضهم اقرب الى الحق et certains sont plus proches de la vérité. والصواب واكثر خيرا واعم نفعا, certains ont plus de bien que d'autres. قال فعليك ان تتعاون مع كل منها على ما معها من الحق وتنصح لها فيما تراه خطا ودع ما يريبك الى ما لا يريبك. Donc à la fin قالوا فعليك ان تتعاون, donc on doit s'entraider avec tous ces groupes, dans le bien qu'ils ont, et on les conseille concernant leurs erreurs. وَدَعْ مَا يَرِيبُكَ, si tu as des doutes, écarte-toi des doutes. قَالَ نَادِرْ أَبُوْ أَنَسْ Cheikh Ibn Baz et les autres savants du comité n'ont pas dit ce sont des égarés. Donc en parlant des ikhwan, des tablir et des salafis. Ne parlez pas avec eux, éloignez-vous d'eux. Est-ce que Cheikh Ibn Baz ne connaissait pas ce qu'il dit? Est-ce qu'il ne connaissait pas ces groupes? Donc, c'est son kalam, bin nos, au début de la vidéo. Al-jawab, la réponse. Awwalan la shak anna al-imam ibn Baz rahimahullah et al-lajna da'ima, ils ont bien dit cette parole. Il n'y a aucun doute. Et concernant jama'at al-tablir, al-ikhwan et al-salafiyyin. Wa min al-insaf, et celui qui veut comprendre la vérité, qui veut la vérité, son objectif, c'est de transmettre la vérité. C'est que si le shir ou le comité, ils ont plusieurs paroles sur ce sujet, c'est de regarder et d'étudier toutes ces paroles. À m'apprendre ce qu'on pense être un argument pour nous, la parole d'un shir, on doit bien savoir, ce n'est pas un argument. Ce qu'il a cité, ce n'est pas un dalil, min al-Qur'an, min al-Sunnah, ce n'est pas l'unanimité des salafs, etc. Il a cité l'avis de Al-Lajna Da'ima. Et bien sûr, Al-Lajna Da'ima a un très haut rang, عند Ahl-Sunnah, wa lillahi l'hamd. Deuxièmement, La parole du shir, si c'est une erreur, ou si Wahed il l'a mal comprise, on doit faire des efforts. Si c'est une erreur, personne ne nous ordonne de prendre l'erreur, Abedel. Et si on doit la comprendre avec Kalam Ahlul Ilm, on doit faire des efforts. On cite une autre fatwa de l'Ajna Da'ima. Su'ilat al-Ajna Da'ima, une fatwa, la fatwa numéro 18870, la quatrième question. Bina'an ala qawlihi ta'ala wa ta'awunu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awunu ala al-ithmi wa al-udwan. إنه يقال أنه يجب التعاون مع كل الجماعات الإسلامية وإن كانت تختلف بينها في منهاج في المنهاج وفي منهاج وطريق دعوتهم فإن جماعة التبليغ طريق دعوتهم غير طريقة الإخوان المسلمين أو السلفيين فيما فما هو الضابط لهذا التعاون. On a cité la question باختصار, en résumé. Donc la question, en se basant sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, entraidez-vous dans le bien et ne vous entraidez pas dans le mal. Et vu que la méthodologie de ces groupes, al-ikhwan, wa tablir et les salafis, leur méthodologie, leur façon de faire, elle est différente, enfin, c'est quoi de barbit? Comment faire pour s'entraider? Al-jawab. Al-jawab, al-ta'awun ma' al-jama'a. التي تسير على منهج الكتاب والسنة وما عليه السلف الأمة في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وإخلاص العبادة له والتحذير من الشرك والبدع والمعاصي ومناصحة الجماعات المخالفة لذلك فإن رجعت إلى الصواب فإنه يتعاون معها وإن استمرت على المخالفة وجب الابتعاد عنه والتزام الكتاب والسنة والتعاون مع الجماعة الملتزمة les manhaj al-kitab wa sunnah. Donc dans cette fatwa, l'ajna da'ima, avec bien sûr toujours sous la présidence de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, ils ont bien précisé huna anna ta'awun il doit être sur la vérité. Et ta'ammalou leur précision, c'est quoi la vérité? Al-kitab wa sunnah wa ma alayhi salaf al-umma. Donc le Coran et la sunnah en suivant les salaf. Et la voix des salafis. Et la tawhid illahi subhanahu wa ta'ala wa ikhlas al-ibadatillah. Bien sûr, en se basant sur al-tawhid et en mettant en garde contre shirk ou al-bid'a et le ma'asi. C'est ça la voix des salafis aujourd'hui. Walillahi alhamd. Et ça yati ma'ana li anna à ce stade, wahad il peut se demander mais al-lajna da'ima ou shirk bin baz, ils n'ont pas parlé de salafis l'an. Lakin, usbiru, ça va venir. Amma, les groupes qui, après avoir été conseillés, n'ont pas accepté la vérité, ils n'appellent pas à ce tawhid, ils ne mettent pas en garde contre shirk, etc. فَمَاذَا قَالَتَ الْلَجْنَةَ فَإِنْ رَجَعَتِ إِلَى الصَّوَابِ فَإِنَّهُ يُتَعَوَنُ مَعَهَا. S'ils reviennent à la vérité, alhamdulillah, on s'entraide avec eux, c'est nos frères, on est leurs frères, ils sont à la sunna, on est à la sunna. يَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Il n'y a aucun problème. وَإِنْ اسْتَمَرَّتْ عَلَى الْمُخَالَفَةِ وَجَبَ الْإِبْتِعَادُ عَنْهَا. S'ils s'entêtent et n'acceptent pas la vérité, tu dois t'écarter. La question qu'on se pose, est-ce que l'Ikhwan et Tablir, depuis l'époque de la première fatwa, à l'époque de Cheikh Ibn Baz, il y a à peu près 40 ans, 30 ans, est-ce que Jama'at et Tablir, ils sont revenus au Tawhid, ils ont délaissé les Khurafat? Est-ce que l'Ikhwan, ils ont délaissé At-Tahazzoub, le sectarisme, la rébellion contre les gouverneurs? Ils n'appellent pas au Tawhid, etc. C'est ça la question qu'on doit se poser. On a la réponse, Huna. Si ils n'ont pas accepté, on n'a pas à s'entraider avec eux. هذا أولا. سؤال آخر, une deuxième question, toujours اللجنة الدائمة, la question 17776. Et on a cité le tarikh en 1416, donc 3 ans, 3-4 ans avant la mort de Cheikh Ibn Baz. السؤال, قرأت لسماحتكم عدة فتاوى في جامعة التبليغ والحمد لله خرجنا معهم واستفدنا كثيرا ولكن يا شيخي الفاضل رأيت بعض الأعمال لم ترد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل إلى سيتي دي بيدع دو جماعة التبليغ le ذكر qui font en groupe le خروج 3 jours etc. بعض الشركيات. Donc هذا السائل il a posé la question à Cheikh Ibn Baz, à l'Ajna Da'ima, anhum, ils ont entendu certaines fatawa, et parmi ces fatawa, celles que Nadir Abu Anas il a cité. Anna, il faut s'entraider avec ces groupes, etc. On est sorti avec Jama'at al-Tablir, et Stafadna Khayran, on a profité dans certaines choses, قال لكن يا شيخي الفاضل on a vu beaucoup de choses qui contredisent le kitab ou sunna des innovations etc. فماذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله اللجنة الدائمة الجواب لا ريبونس ما ذكرته من اعمال هذه الجماعة كله بدعة فلا يجوز مشاركتهم حتى يلتزموا بمنهج الكتاب والسنة ويتركوا البدع. Tout ce que tu as cité, ça fait partie des innovations. Et il n'est pas permis de s'entraider avec eux tant qu'ils ne laissent pas, ils ne délaissent pas ces innovations. حتى يلتزموا et jusqu'à ce qu'ils suivent منهج الكتاب والسنة ويتركوا البدع. 1416. La première fatwa elle est beaucoup plus ancienne. Donc cette fatwa là, نستفيد ماذا؟ أن l'entrée c'est si ils suivent le haq, أما s'ils s'entêtent. C'est pour ça que ces fatwas, c'est très très important le contexte. Amma hada ar-rajul aslahahu Allah, il a trouvé quelques fatwas qui pensaient appuyer ses principes, son idéologie, qu'il faut pas dire salafique, les mises en garde, c'est une exagération, etc. On verra que ar-rajul il est à la tariqat al-ikhwan, il n'y a aucun doute. Il a pensé que c'était un argument khassatan, annahu il sait, lui et ses semblables, anna as-salafiyyin ils aiment اللجنة الدائمة إزام شيخ بن باز إزام شيخ الفوز إكسترا أي العلماء كلا ستي إزام شيخ بن عثيمين فلهذا avec ça كأنه il a voulu montrer à ses suiveurs أن même les savants que ces salafis soi-disant ils suivent انظروا regardez ce qu'ils disent يا أخي الكريم c'est pas comme ça طريقة الحق. On n'est pas là pour convaincre un tel ou un tel, on n'est pas là pour avoir des suiveurs, on n'est pas là pour ne pas froisser un tel. Al muhim c'est la vérité. Est-ce que l'un de cette fatwa, Allahu a'lam, est-ce qu'il ignore les autres fatwas ou c'était biqazd? Allahu a'lam, on ne rentre pas dans les intentions. Lakin, l'un, vu que nous, on connaît cette fatwa, est-ce que la première qu'il a citée, c'est suffisant? C'est pas suffisant. Surtout concernant les groupes. Il y en a un savant, il peut avoir un call sur certains groupes. Si on prend l'exemple de Tabligh wal Ikhwan, au départ, leur cas, il n'était pas clair pour tout le monde. C'était des groupes assez nouveaux. Ils venaient d'arriver en Arabie Saoudite à cette époque. Et Bardoum, ils se sont rapprochés de certains machaïrs. Ils leur ont montré un homme, ils voulaient la vérité, ils voulaient sunna. Quand les machaïrs, ils les conseillaient, ils disaient, naam, il faut suivre le Coran, il faut suivre sunna. Et machaïr, après cela, certains, ils faisaient des fatawas, ils disaient, naam, c'est des frères qui sont à la khir. Thumma, avec les années, l'un, demande à un savant, demande à Cheikh Al-Fawzan, l'un, Cheikh Ibn Baz, avant sa mort, ماذا قال? قال الإمام ابن باز رحمه الله كما في مجلة المجلة numéro 806 أي de ce journal qui propageait certaines paroles de Cheikh Ibn Baz حركة الإخوان ينتقدها خواص أهل العلم لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك وإنكار البدع. Le groupe des frères musulmans, ce qui les réfute c'est certains savants خواص, des savants qui ont cette spécificité réfuter les égarés. ثم قال فينبغي للإخوان المسلمين أن تكون عندهم غاية أو عناية بالدعوة السلفية الدعوة إلى توحيد الله وإنكار عبادة القبور أي tout ce qui est lié au shirk. Cheikh Ibn Baz, on répète, قال حركة الإخوان, donc le groupe des إخوان, qui c'est qui les réfute? C'est des savants qui ont comme spécificité, ils se sont consacrés à étudier ces groupes. Enfin, certains savants, ils les ont réfutés. Pourquoi? Les Mahdal et Anahoum, ils n'ont pas de machat. Ils n'appellent pas au tawhid, ils sont occupés par autre chose. Ou inkar shirk, ils ne mettent pas en garde contre shirk et les innovations. Thumma, il les a conseillés, bimada, fayambri li ikhwan muslimin an takun inayatuhum, indahum inaya bidda'wa salafiyya. Il les a conseillés aux ikhwan de revenir au manhaj salafi. On revient à la première parole. Ma'ada qal? Qu'est-ce qu'il a dit, Nadir Abu Anas? Cheikh Ibn Baz et les autres savants du comité n'ont pas dit ce sont des égarés. Ne parlez pas avec eux, il a akhiré. Si on revient à l'an, lejna da'imana, on n'a pas le droit de s'entraider avec eux tant qu'ils délaissent pas le bida'. Et, kadalik, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a rapporté que des savants qui avaient connaissance de leurs égarements, ils les ont réfutés. Enfin, comment on fait l'an? Bel, on peut aller encore plus loin. Su'ila Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. كما في درس شرح المنتقى في مدينة الطائف قبل وفاته بسنتين أو أقل. Donc, ils lui ont posé cette question à Taif, أي في السعودية, deux ans, ou un peu moins avant sa mort. أحسن الله إليك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهل جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع، وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق العصا على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة، هل هاتين الفرقتين تدخل في الفرق الهالكة؟ لا question est claire. Deux ans avant sa mort, ou un peu moins, ils ont posé cette question à Cheikh Ibn Baz. Et c'est enregistré, ils sont. Est-ce que les tablir et les Ikhwan rentrent dans ce groupe, dans ce hadith? La communauté elle va se diviser en 73 sectes, tous iront dans le feu sauf une. Qala Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, tadkhul fi tintayn wa sab'in, man khalafa aqidat ahl sunnah, dakhala fi tintayn wa sab'in, ila akhir. Donc c'est clair. Cheikh Ibn Baz l'a dit, na'am. Ces deux groupes, ils rentrent dans les 72. Les 72 que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé, ils iront dans le feu. Sauf un groupe. Ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et celui qui a posé la question, il a insisté. Ça c'est taïb. Il a insisté pour être sûr de la réponse. Qala, yani hatayn al-firqatayn min dhimn al-thintayn wa-sab'in. Il lui a dit, ya Cheikh, est-ce que ces deux groupes, donc, ils font vraiment partie des 72 sectes égarées. فَأَجَابَ الشَّيْخ رَحِمَهُ اللَّهُ نَعَمْ مِنْ ضِمْنَ الثِّنْتَيْنِ وَالسَّبْعِينَ. تستفيد من فائدة عظيمة أخي الكريم هنا، أن ما يتعلق بالجرح والتعديل que ça soit sur الأشخاص أو الجماعات أو الفرق، c'est lié à la situation du groupe أو de la personne. الشيخ بن باز رحمه الله، il n'y a aucun doute, personne ne peut nier cela. Anahu, au départ, il parlait bien des Ikhwan et des Tablir. Pourquoi? Anahu, il parlait selon ses connaissances. Rahmatullah alayh. Thumma, avec les années, on a une de ses dernières fatwas sur le sujet, un ou deux ans avant sa mort, quand il a su, il a entendu, on lui a rapporté. Anahaoula, ça fait 20 ans, 30 ans, Anahum, ils sont conseillers, ils n'acceptent pas. Il a démontré que ce sont des égarés. Limada, هذا الأخ il a pas cité هذا الكلام. إما il ignorait, s'il ignore, فالواجب عليه, s'il ne connaissait pas cette fatwa, الواجب عليه, c'est de la propager et de s'excuser et de montrer à ses suiveurs أنه il a propagé une fatwa de Cheikh Ibn Baz, لجنة دائمة أنهم ils ont dit ça sur les Ikhwan, sur les Tablir, sur les Salafis. ثم maintenant il sait que Cheikh Ibn Baz à la fin il a mis en garde contre eux. Voilà. Et s'il savait, oh, il ne se repent pas, il ne montre pas l'erreur, ça montrera à celui qui veut la vérité l'état de cet homme. وسئل الشيخ بن باز رحمه الله أو سئل تلميذ الشيخ بن باز رحمه الله الشيخ عبد العزيز الراجحي. Ils ont posé la question à un des élèves de Cheikh Ibn Baz, الشيخ عبد العزيز الراجحي. Et le fait de rapporter sa parole, c'est طيب, c'est important. هنا لماذا؟ لأن نادر أبو أنس il a rapporté une parole de الشيخ عبد العزيز الراجحي. Ils ont posé la question à Cheikh Rajihi, هل ثبت عن الشيخ بن باز رحمه الله أنه كان يحذر من جماعة التبليغ والإخوان وأن هاتين الفرقتين من الفرق الهالكة من الثنتين والسبعين. Donc ils lui ont demandé clairement, est-ce que Cheikh Ibn Baz met en garde contre les tablir et les Ikhwan, et est-ce qu'il a vraiment dit que ces deux groupes faisaient partie des 72 sectes. فأجاب وفقه الله أجوبتهم موجودة رحمه الله. Il a répondu, ses réponses, elles sont propagées. قال والإخوان واضح يجمعون من هب ودب. ثم il a appuyé la fatwa de son cheikh, أن le cas des إخوان il est clair. Ils se rassemblent avec n'importe qui. قال حتى مع النصارى. Même avec les chrétiens. Qu'est-ce que tu espères de ce groupe? Vous avez remarqué que حرب الإخوان المسلمين il est contre les salafis. C'est pour ça que tu trouves حتى ces prêcheurs, la nouvelle génération, les prêcheurs de YouTube et des réseaux sociaux qui ne sont pas à la jaddat al-salafiyya, vous avez remarqué que la chose qui les dérange, c'est les salafis. Il n'y a pas autre chose. Je parle des groupes. Bien sûr qu'il y a d'autres choses. Certains ils mettent en garde contre le mensonge, contre le vol, contre le mauvais comportement. Je parle niveau groupe. Shurluhum al-sharil, c'est avec al-salafiyya. Fal ikhwan, même al-nasara, ils les ont acceptés. Qala, وجماعة التبليغ كذلك من الصوفية أصلهم في الهند. Concernant les tablir, c'est des soufis et ils sont d'origine, leur origine c'est, ils viennent d'Inde, leur shir c'est, ils venaient d'Inde. Et ces deux groupes, wallahi alhamd, on rappelle, on a résumé les paroles des savants dans une série de cours sur les sectes en islam et on avait traité le sujet des Ikhwan est établi. قال وفي مؤلفات وفي مؤلفات أنهم يصلون إلى وحدة الوجود. بل ils sont arrivés à un niveau où ils yataqiduna cette aqida. Très très grave, c'est de la mécréance. وحدة الوجود. Et il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. Tout est Allah. Allah, il est partout. Il n'y a plus de différence entre la créateur, le créateur et la créature. Iyadam billah. Hada, c'est un audio qui est propagé de Sheikh Rajihi. Wa hakada Sheikhuhu al-Allama Muhammad ibn Ibrahim, rahimahullah. Kadhalik, on a cité la parole de Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, rahimahullah. Limada li anna Nadir Abu Anas, il l'a cité kadhalik dans son audio. Il a parlé de lui. Je ne me rappelle plus, est-ce qu'il a cité un de ses kalam? Mouhim, il l'a cité. رد على جماعة التبليغ لما تبين له حالهم. C'est important هذا. الشيخ محمد بن إبراهيم كذلك ودبا. Il n'a pas critiqué les Ikhwan, les Tabligh. لماذا؟ لأنه à son époque, c'était encore des groupes qui étaient nouveaux en Arabie Saoudite. Et leur égarement, il n'était pas connu de tous. فلهذا, au départ, quand ils lui ont demandé, il a vu certaines choses, il a parlé en bien d'eux. لما تبين له حالهم. Quand il a su les fondements de ces groupes et leur égarement. قال رحمه الله هذه جمعية son كلام il est sur l'établir. هذه جمعية لا خير فيها فإنها جمعية بدعة وضلالة وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك. شيخ محمد رحمة الله عليه il a montré que c'est un groupe qui était fondé sur l'égarement. Et quand il a lu certains livrets les concernant, il a remarqué que c'est un groupe qui appelle à l'égarement, bel qui appelle à adorer les tombes et à associer Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, c'est pas bil amr al-hayyin. C'est pour ça que on dit à Houla, pourquoi ça vous dérange que les salafis critiquent l'établir, les ikhwan, l'imad? Pourquoi mettre en garde la jeunesse de notre communauté contre ces groupes, c'est pas important. C'est quoi qui vous dérange? Al-ulama que vous prétendez prendre leurs paroles belles et les a propagées dans cet audio, isma' madha yaqulun. C'est à l'opposé de ce que tu prétends et de ce que tu dis. Qala rahimahullah al-amr alladhi la yas'a as-sukut an. Et après cela, on n'a pas le droit de se taire. Hakada qala wa lidha fa sanaqum insha'Allah ta'ala bil-radd 'alayha bima yakshifu dhalalaha wa yadfa' batilaha wa nas'alullah an yansura dinah wa yu'li kalimatah. Et alhamdoulillah, al-Sheikh Muhammad rahimahullah qala annahum vont réfuter ce groupe, montrer leur égarement aux gens. Et parmi ceux qui ont alhamdoulillah écrit contre haoula, al-Sheikh Hamoud At-Tawajri, son célèbre livre contre Jama'at al-Tabligh. Falhamdulillah. Dhakarna, on a cité Kalam Sheikh Ibn Baz. On a cité la parole de son élève, qui a appuyé la parole de son shir. Aïe, Sheikh Abdelaziz al-Rajihi. Kadalik, on a cité la parole du shir de Sheikh Ibn Baz, son professeur, Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim, l'ancien mufti. Kadalik, on a cité une ou deux paroles de Al-Lajna al-Da'ima, le comité que présidait Sheikh Ibn Baz, rahimahullah. فالمنصف, celui qui veut la vérité, celui qui recherche la vérité, la yajouzoulah, il n'a pas le droit de prétendre que Sheikh Ibn Baz, il a placé au même niveau les salafis, les ikhwan et les tablir. Vous êtes tous des frères, entraidez-vous et ne vous faites pas le hajr et pas de réfutation. Ma ahad qala bihada. La Sheikh Ibn Baz, ni son shirk, ni son élève. Donc, on renvoie la question l'an. Est-ce que Sheikh Ibn Baz, son shir, son élève, les savants de l'Ajna Da'ima, ils ne savent pas ce qu'ils disent? Ils ne connaissent pas la situation de ces groupes? Deuxième shir qu'il a cité, Al-Shir Al-Uzaymin, rahmatullah alayhi. Il a cité sa parole, min al-Sharh al-Arba'in al-Nawawiyya, l'explication des 40 Nawawi. قال الشيخ رحمه الله فقد ظهرت طوائف من قديم الزمان مثل الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة ثم ظهر أخيرا إخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك فكل هذه الفرق اجعلها على اليسار وعليك بالأمام. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال à l'époque des groupes sont apparus الخوارج المعتزلة الجهمية الرافضة et كذلك à notre époque des groupes sont apparus comme les Ikhwan, comme les Salafis, comme les Tablir et d'autres. فالشيخ قال رحمه الله tous ces groupes délaisse les اجعلها على يسار اي ميلي سور تا غوش اي délaisse les وعليك بالامام اي افونس قال وهو ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنه والسنه الخلفاء الراشدين ولا شك ان الواجب على جميع المسلمين ان يكون مذهبهم مذهب السلف وما الى بريسيزي ان لا يوجد اي دوت que c'est une obligation pour tous les musulmans de suivre, avoir comme madhab et suivre les salafs. L'intima ila hizb mu'ayyan yusamma salafiyyin. Pas un groupe spécifique qui s'appelle salafi. Il a un qal, rahimahullah, illa anna l'ikhwa salafiyyin hum aqrab al-firaq ila sawa. Thumma il a précisé que les salafis, c'est ceux qui sont le plus proche de la vérité. Walakin mushkilatuhum. كغيرهم أن بعض هذه الفرق يضلل بعضها بعضا ثم قال أن le problème c'est comme avec les autres groupes قال ولكن مشكلتهم كغيرهم أن بعض هذه الفرق يضلل بعضها بعضا نعم le problème c'est comme les autres groupes أي ils se rendent innovateurs قال ونحن لا ننكر هذا إن كانوا مستحقين انتبهوا هذا القيد ثم قال nous on rejette pas cela le fait de dire un tel c'est un égaré ou c'est un innovateur si c'est بحق. Donc il y a cette précision. لكن ننكر معالجة هذه البدع بهذه الطريقة. لكن sur une base, il a précisé c'est la façon de faire qu'il rejette. والواجب أن يجتمع رؤساء هذه الفرق ويقولون بيننا كتاب الله عز وجل والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلنتحاكم إليهما لا إلى الأهواء والآراء. ثم il a conseillé tous ces groupes أن ils doivent se rassembler avec leurs leaders, leurs imams, leurs représentants. Et se conseiller et suivre le Coran et la Sunna et ne pas suivre les passions ou les avis infondés. انتهى كلامه. الجواب, la réponse. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, c'est un imam parmi les imams de la Sunna. وله كلام آخر ننقله. Il a des autres paroles qu'on va citer. ثم, à la fin, inshallah ta'ala, on fera une conclusion. لماذا لأن حتى يتبين الصواب. On répète, Cheikh Ibn Uthaymeen ou غيره, ils ne sont pas infaillibles. Hey, هذا الكلام, on n'est pas obligé de le prendre. لماذا لأن c'est pas من وحي الله عز وجل, c'est pas la révélation, c'est le كلام d'un savant. Il a cité son avis رحمه الله par rapport à ces groupes. لكن الشيخ رحمه الله il a des autres paroles. قال رحمه الله كما في شرح الواسطية يخطي من يقول إن أهل السنة والجماعة سلفيون وأشعريون وماتريديون فهذا خطأ كيف يكون الجميع أهل السنة وهم مختلفون الشيخ رحمه الله قال c'est une erreur de dire que أهل السنة ils se divisent en trois groupes les سلفي les أشعري et les ماتريدي فقال comment ils peuvent tous faire partie de أهل السنة alors qu'ils se contredisent alors que la سنة la voie de vérité c'est une voie c'est pas plusieurs voies c'est un groupe c'est pas plusieurs groupes قالوا أهل السنة والجماعة هم السلفيون معتقدا حتى المتأخر منهم إلى يوم القيامة إذا كان على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه السلفي هم إلى خزان أهل السنة والجماعة سكي c'est les salafis معتقدا أي ceux qui suivent les salaf dans العقيدة. Ils ont la même croyance que les salaf. Contrairement à Al-Ash'ira ou Al-Maturidiyya. Annahum yuharrifoun al-sifat. Ils se sont égarés fi bab al-Iman, fi bab al-Qadr. Comme on a expliqué, wallahi alhamd, dans le cours sur Al-Ash'ira. La série, les sectes en islam. Thumma qal, ila hatta al-muta'akhir, même de nos jours. Et ceux qui sont venus après les salaf. Matalan, ahl al-sunna de nos jours. قال إذا كان على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي. Si il suit le prophète صلى الله عليه وسلم et les compagnons رضي الله عنهم, c'est un salafi. La question qu'on pose l'an, est-ce que suivre le prophète صلى الله عليه وسلم et les compagnons, c'est un bien? Il n'y a aucun doute. Est-ce que celui qui suit le prophète صلى الله عليه وسلم et ses compagnons رضي الله عنهم, il est sur la vérité? Il n'y a aucun doute. Et Cheikh Ibn Baz, رحمه الله, sa vie l'a consacré à montrer cette voie. Il a appelé ceux qui suivent cette voie, on est tous d'accord, c'est la vérité, salafi. Donc, c'est un autre kalam. Qala rahimahullah, une troisième parole, fi sharh al-hamawiyya, al-sawab, alladhi la shaka fi anna ahl al-sunna la yantabiq illa ala salafi. Il n'y a aucun doute que ahl al-sunna, c'est qui? c'est les salafis. Pour revenir à la première parole, et on a enfin un tambih, muhim, anna, quand tu as plusieurs paroles d'un savant, c'est pas min tariqati ahl sunnah de forcément rassembler entre le kalam, comme si c'était des versets du Coran ou des hadiths. Pourquoi? Le savant, il peut se tromper, il n'est pas infaillible. Contrairement aux textes de la révélation. Les textes de la révélation, quand on a plusieurs textes, matalan, on a deux versets du Coran. Et en apparence, ils se contredisent pour nous, à cause de notre faiblesse, à cause de notre faiblesse en arabe, de notre mauvaise compréhension, de notre niveau de science, etc. On a du mal. Dans ce cas, on est sûr que forcément, les deux versets ne se contredisent pas. Pourquoi? Parce que c'est la parole d'Allah, Azza wa Jal. Et la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle est parfaite, elle ne peut pas se contredire. Amma, les paroles d'un savant, vu qu'il n'est pas infaillible, on n'est pas dans tous les cas, on ne peut pas dans tous les cas rassembler ses paroles, dire en fait il a voulu dire cela, et qu'Anahu ne peut pas se tromper là. Donc ça, c'est une remarque importante. Et pour ne pas croire qu'on fait cela avec kalam, Cheikh Ibn Uthaymeen, abadan. Lakin, min bab husn al-dhann, wa hadha al-imam, la'alla, sa première parole, arada, ce qu'il voulait, c'est inkaruhu ala man yantassib ila as-salafiyya bi at-tahazzub ala al-batil. Bel, il n'y a aucun doute que c'est ce qu'il voulait. C'est pour ça qu'on va citer une autre de ses paroles qui montre à Allah. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, dans beaucoup de paroles, quand il disait que le groupe salafi, ils sont comme les autres, ils ont des erreurs, etc. Rahimahullah, il n'y a aucun doute qu'il ne voulait pas dire les salafis qui suivent un Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. L'imam, il y en a dans plusieurs autres paroles, il a montré qu'ils étaient sur la vérité. Lakin, il voulait montrer ce qu'alladine yatahazzabun, du sectarisme, et ils n'acceptent plus les autres, et ils ont un manque de douceur, et ils réfutent les autres, même s'ils sont sur la vérité. Et ils exagèrent. Il faut qu'ils soient conseillés. S'ils se disent salafis et ils aiment la salafia, c'est dû à leur ignorance. Enfin, on leur montre billati hiya ahsan. Amma les comparer à ces salafis, à des ikhwan, à des tablir, c'est pas la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen. On revient à la même problématique, elle se pose. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, bien sûr qu'il a bien parlé d'établir. Il y a plusieurs paroles, personne ne peut le nier. Bien sûr qu'il a bien parlé des ikhwan, il y a plusieurs paroles, personne ne peut le nier. Lakin, est-ce que Cheikh Ibn Uthaymeen, il savait la réalité, il connaissait la réalité de ces groupes, comme certains savants ont démontré? On a cité la parole de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Mohamed Ibrahim et de Cheikh Ar-Raji'i. Et kadalik de Lejna Daim. Donc comment on fait dans ce cas? On est obligé de revenir à la parole des savants qui ont montré la vérité. Le savant qui ignorait, alhamdoulilah, on lui trouve des excuses. Il ne peut pas tout savoir. Surtout concernant les groupes. Vous avez remarqué que les groupes ou les individus, c'est pas qu'une mas'ala de fiqh. Une mas'ala de fiqh, un sujet dans le fiqh, si tu veux la vérité, tu reviens au Coran et à la sunna et tu cherches la preuve par rapport à cette adoration. Même avec les individus ou les groupes, c'est pas la même chose. Cet individu peut te montrer un visage. Un tas, tu vas dire, alhamdoulilah, j'ai vu que du bien. Un autre, il montre la réalité qu'il connaît. Anahu, il a dit cela dans un cours. Anahu, dans tel livre, il a écrit cela. L'autre chir, il ne connaît pas. Comment on fait? On revient à celui qui connaît la vérité. Man alima, hujja ala man lam ya'lam. C'est ces règles, c'est hada al-manhaj que Nadir Abu Anas et ses semblables, ils ont délaissé et ils n'arrivent plus à comprendre. Ils se disent, mais pourquoi ces salafis, ils réfutent? Pourquoi ces salafis, ils font? Thumma, ils trouvent la parole d'un chir, ils la propagent, ils pensent que c'est un argument. Thumma, si la parole de ce même chir, elle contredit ce qu'il pensait, ça les bloque. C'est pas ça, sunna, c'est pas ça la vérité. Vous avez remarqué que les réfutations, elles leur font beaucoup de mal. Anahoum, ils se sentent toujours obligés de parler. Anna, on n'est pas salafi, anna kada. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sûrs. Wallahi, celui qui est sûr, quelqu'un parle, réfute, ça lui fait aucun mal. S'il réfute bi batil, s'il réfute bi haq, alhamdulillah, il en profite. On revient à la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen. قال رحمه الله كما في لقاءات الباب المفتوح السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Est-ce que بالله عليكم un sheikh, بل un étudiant, on va encore plus loin, un musulman de la masse, si il dit السلفية, la salafia, c'est le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Est-ce que tu vas comprendre que la salafia c'est une mauvaise chose? Abadan. قال الشيخ العثيمين رحمه الله لأنهم هم الذين سلفونا وتقدموا علينا. C'est ceux qui nous ont précédés. أي السلفية ça vient du mot سلف أي ceux qui étaient avant nous, les prédécesseurs. قال فاتبعهم هو السلفية. Le fait de les suivre c'est ça السلفية. قال وأما اتخاذ السلفية كمنهج خاص ينفرد به الإنسان ويضلل من خالفه من المسلمين ولو كانوا على الحق. Donc هنا il a fait une précision. Par contre, celui qui se dit salafi, et ça devient un manhaj khas pour lui. Et c'est du sectarisme. كذلك, il rend égaré les autres, même s'ils sont sur la vérité. قال واتخاذ السلفية كمنهج حزبي. Et cette salafia, ça devient un manhaj hizbi. Et c'est plus fondé sur la vérité, les preuves. Lakin, c'est fondé sur les ondi et التقليد, le suivi aveugle. قال فلا شك أن هذا خلاف السلفية. Ça montre bien que Cheikh Ibn Uthaymeen, ce qu'il a réfuté, c'est ce que certains y font, pas le manhaj. Mais le manhaj, la voie, c'est As-Salafiyya. Personne ne peut le nier. Illa ba'd al-munharifin al-mubtadi'a qui s'entêtent pour eux, As-Salafiyya, c'est de l'égarement. Matalan al-Rawafid et autres, ils critiquent les compagnons, radiyallahu anhum, ils ont rejeté Sunna. Ha'oula, c'est des égarés, il n'y a aucun doute. Mais celui qui aime la sunna, voilà, chaque anna le kalam, il est clair. قال واتخاذ السلفية كمنهج حزبي فلا شك أن هذا خلاف السلفية. قال وأما السلفية. En résumé, il y en a la parole là assez longue. وأما السلفية. اتباع منهج السلف عقيدة وقولا وعملا وتراحما etc. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر فهذه هي السلفية الحق. أما السلفية le fait de suivre le prophète صلى الله عليه وسلم et ses compagnons dans la croyance, dans l'adoration, dans la façon de comprendre les textes, dans le comportement, etc. Il n'y a aucun doute que cette salafia, c'est la vérité. Wallahu ta'ala a'lam. Autre chose, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il aime les salafiyin. Bel, il défendait les salafiyin quand ils étaient accusés bi ghayri haqq. C'est pour ça que Murra, ils lui ont posé la question sur le fait de dire, au lieu de dire salafi, dire talafi. Au lieu de dire As-salafiyoun, at-talafiyoun. As-salaf, donc ça vient des salafs, ceux qui nous ont précédés. Et at-talafiyoun, ça vient du mot talaf. Aïe, les égarés, les perdus. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. As-salafiyoun, talafiyoun. Na'am, yatlifoun al-bida' wa yaqdoun alayh. Hakada qal. Il a dit na'am. As-salafiyoun, c'est des talafiyoun. Aïe, yatlifoun al-bida'. Aïe, ils mettent en garde contre le bida'. Et yatlifoun al-bid'a, c'est comme si tu traduis littéralement, ils perdent la bid'a, ils rejettent la bid'a. Na'am, wa yaqdoun 'alayha. Et c'est eux qui anéantissent bi'idnillahi 'azza wa jalla al-bid'a et ceux qui les propagent. Qala wa ni'ma as-salafiyyun ashaban wa qauman. Et thumma il a précisé et quel plaisir d'avoir comme compagnon as-salafi. هذا كلام شيخ ابن عثيمين فلا تلبسون على الناس اتقوا الله عز وجل on doit craindre الله سبحانه وتعالى même si tes suiveurs ne sont pas d'accord même si tu avais déjà une parole auparavant pense à يوم القيامة le fait d'écarter les gens de السلفية والله c'est pas simple. Vous avez remarqué que l'un جميع الأعداء que ce soit les innovateurs, les kuffars, les laïcs, les démocrates, les juifs, les chrétiens, les chiites, les ikhwan, jami' ahl al-dalal, annahum critiquent tous as-salafiyoun. Enfin, fais attention de ne pas faire partie de haoula. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, had kalaman annahu critique les salafis qui suivent le Coran ou le sunna et manhaj salaf. Abadan, là, il a fait cette précision, certains qui se disent salafis et qui exagèrent dans certaines choses, enfin, pour lui, هذا c'est à rejeter. فلهذا dans cette même fatwa قال ولكن أعني بالسلفية من يتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون تحزب. ثم il a fait cette précision. Il a dit, je dis As-salafiyya, les salafis qui viennent de citer, ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans sectarisme. Hada kalam, Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah. La question qu'on peut poser, vu que nous on parle de Nadir Abu Anas dans ce cours, et nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdih wa yahdina jami'an, est-ce que hada rajul, il met en garde contre Al-Ikhwan ou Al-Tablir? Est-ce qu'il fait des audios pour dire au tablir, arrêtez de dire aux gens de venir des tablirs, arrêtez de dire aux gens de faire le khuruj? Est-ce qu'il a déjà fait des audios et il dit au Ikhwan, arrêtez d'essayer de d'engrainer les jeunes dans votre système? Vous pensez qu'à la politique, vous pensez que attaquer les gouverneurs aux manifestations, arrêtez d'embrigader les jeunes. Vous avez déjà entendu Hada? Abedan. Pourtant, les savants qu'il a pris, qu'il a cités, ils mettent tous en garde contre Ahaoula. Ils mettent tous en garde contre les innovateurs. Pourquoi Hada Rajoul ne met pas en garde contre le bid'a et contre les innovateurs? Pourquoi? Pourquoi? T'as le monde, pourquoi? Vous savez pourquoi? Les innovateurs, ils ne parlent pas sur lui. Ahaoula, les SF, ils ont une qaïda qui ne le savent ou pas. Et ils l'ont pris de leur prédécesseur, min ahlil bid'a. Anna, si tu parles sur moi, tu deviens un danger pour moi, j'essaie de te salir. Si tu te tais, je ne parle pas de toi. Nashtami' fi ma tafaqna alayh. وَيَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَخْتَلَفْنَا فِيهَا. هذه قاعدة الإخوان. C'est pour ça que n'ayez aucun doute أن هذا الرجل et كذلك c'est semblable Rachid Abu Hudayfa Al-Jay Boussana Ismail Mounir tous ces munharifoun, n'ayez aucun doute أنهم يسويف la voix des إخوان تأثروا بالإخوان qu'ils le savent ou pas لأن leur façon d'agir, leur prêche, il est fondé sur دعوة الإخوان. والله المستعان. وعلى كل حال on finit ما يتعلق بالشيخ ابن عثيمين avant de passer à كلام الشيخ رادحي. على كل حال من خالف الصواب, celui qui contredit la vérité, que ça soit un savant ou un ignorant, on n'a pas à suivre l'erreur. لكن العالم السني et celui qui espère, qui recherche la vérité, هذا bien sûr on, même si on n'accepte pas son قول, لكن on le respecte, on lui montre. Et avec la douceur, Inch'Allah Ta'ala, yahsul khayran. Thumma il a cité la parole de Sheikh Al-Rajihi, waffaqahu Allah Ta'ala, fi sharh al-wasiyya al-kubra li Ibn Taymiyyah. On lit la parole qu'il a citée. Qala Sheikh Al-Rajihi, yanbaghi lil-insan al-muslim an yakun intisabuhu lil-islam wa an yajtami' al-muslimun tahta firqatin wahida. Et yaqul, ana min ahli sunnah, ana muslim. لا كما هو موجود في هذا العصر, هذا يسمى إخوانيا وهذا يسمى سروريا وهذا يسمى سلفيا, كل هذه الأسماء مفرقة. Donc الشيخ قال هنا, donc les croyants ils doivent tous se rassembler sous la vérité, un seul groupe أهل السنة, كذلك il doit se dire من أهل السنة et que c'est un musulman, pas comme c'est propagé à cette époque et des groupes. هذا يسجي إخواني, هذا سروري, هذا سئن سلفي. ثم il a dit كل هذه الأسماء مفرقة, tous ces noms divisent, tous ces appellations divisent. قال فالواجب على المسلم اتباع الكتاب والسنة. L'obligation pour chacun de nous c'est de suivre le Coran et la Sunna. نادر أبو أنس علق, après avoir cité ce calame, il a dit voilà ce que l'on doit dire. Tu fais partie de quel groupe? Et si on te pose cette question, je fais partie des musulmans, أهل السنة والجماعة, c'est tout. هكذا قال. والعجيب, ce qui est étonnant, أن في نفس هذا الشرح, dans ce livre, à la base c'est des audios, cette explication de Sheikh Rajihi, du livre de Sheikh al-Islam, Al-Wasiyya al-Kubra. Dans ce même livre, un talib, لعله après avoir entendu ce kalam, un des élèves de Sheikh Abdelaziz qui était présent à l'assemblée, il a donné une feuille à Sheikh Abdelaziz al-Rajihi. Et Sheikh Abdelaziz, il l'a lu. Mada fiha qala, il a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il a un qal, wa hal as-salafiyya, jama'a hizbiyya kal ikhwan wa sururiyya wa tablir, point d'interrogation. Dans cette feuille, c'était écrit, est-ce que salafiyya, c'est comme le groupe des ikhwan, c'est comme les sururiyya, c'est comme les tablir? Qala hadha mafhum khati. Ça c'est une erreur. بل السلفية اسم شرعي أصيل يراد به أهل السنة والجماعة وأهل الأثر وأهل الحديث والفرقة الناجية إلى آخره. Il a montré أن السلفية c'est la vérité, c'est fondé sur le Coran, la Sunna, le suivi des salaf, etc. ثم il a rapporté la parole de Cheikh l'Islam de Taymiyyah رحمه الله في رده على قول العز بن عبد السلام قال شيخ الإسلام لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. ما إلى رابورتي cette parole de شيخ الإسلام إلى سيتي لونانيميتي qu'il n'y a aucun mal لا عيب على من أظهر مذهب السلف de celui qui fait apparaître أنه suit la voie des salaf وانتسب إليه. انتسب إليه c'est le fait de se dire qu'il suit les salaf. الانتساب ou un nisba en arabe, c'est comment? C'est tu dis salafi. Comme, مثلاً, tu viens de l'Algérie, tu dis jazairi. C'est ça, l'intisab. Intisab il a kada. Donc, il n'y a aucun mal. Bel qal, Cheikhoul Islam, bel yajib, c'est une obligation d'accepter cela, bel ittifaq, selon l'unanimité. L'imam, on n'accepte pas hada naql de cet imam qui est respecté de tous, wallahu ta'ala a'lam, qui a rapporté huna, al ittifaq, l'unanimité. Qu'il n'y a aucun mal. Sahih, si on se pose la question, l'un et on réfléchit, il est où le problème? Si certains salafis y font des erreurs, et il n'y a aucun doute, personne, mina salafiyin, ne dit que tous les salafis y sont droits et ils ne font pas de péché, ils n'exagèrent pas. Abadan. Certains salafis ont des faiblesses comme les autres. Lakin, c'est quoi le problème de rejeter le fait de s'apparenter aux salafis, dire salafis? Même si certains y font des erreurs, enfin, on fait comme Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh. On dit, certains, s'ils se disent salafis, ils font ça, ils exagèrent, etc. On dit ça, c'est pas salafis, et on les conseille. Et fihana, on s'entraide. Vu que haoula, ils appellent à s'entraider, vous avez remarqué? On doit s'entraider même avec les ikhwan, avec tablir. Falimana, vous voulez pas vous entraider avec salafiyoun? On s'entraide avec la vérité, pas avec tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. Abidan. Là, entre nous et vous, al-Qur'an ou al-Sunna, et on fait des efforts tous pour le suivre. Limana, les patients, yadam billah. Qala, رحمه الله ثم إلى ستة لقول الإمام الذهبي في ترجمة ابن الصلاح رحمه الله الإمام الذهبي كيسكي لدي سوغ سيت إمام ابن الصلاح صاحب المقدمة مصطلح الحديث قال وكان سلفيا حسن الاعتقاد ça ça nous prouve quoi que le fait de dire salafi ça date pas d'aujourd'hui contrairement à ce qu'ils essayent de propager هؤلاء. Le fait de dire salafi à l'époque de l'imam الذهبي الإمام الحافظ صاحب سير أعلام النبلاء qui a fait la biographie de beaucoup d'imams en parlant d'Ibn al-Salah قال كان سلفيا c'était un salafi. Est-ce que les imams ils ont réfuté l'imam al-Dhahabi? Pourquoi tu dis ça? Tu divises? Abadan. Là, pour différencier avec les égarés et أنه il avait une bonne aqida, il a dit كان سلفيا حسن الاعتقاد, il avait une croyance conforme au Coran et à la Sunna. ثم ذكر قول شيخ بن باز رحمه الله وليست الوهابية مذهبا خامسا كما يزعمه الجاهلون إنما هي دعوة إلى العقيدة السلفية. شيخ ابن باز il a montré que الوهابية c'est pas un cinquième مذهب comme certains zigaris essayent de faire croire. الوهابية ce qu'ils appellent الوهابية c'est la voie des salaf que شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله il a جدد à son époque. بل هنا on peut ajouter une parole de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, ils lui ont posé la question. Mada taqoul? On précise, on a, c'est pas dans la feuille que Cheikh Abdelaziz Rajih il a lu. Là, ça c'est un ajout. On l'a ajouté, pourquoi? Parce que c'est encore plus clair. Mada taqoul fi man tasamma bi salafi wal athari? Hal hiya tazkiya? Ils ont posé cette question à Cheikh Ibn Baz. Est-ce que le fait de se dire salafi, athari, c'est une tazkiya? Tazkiya, c'est le fait de parler en bien de soi-même. فلا تزكوا أنفسكم هكذا قال عز وجل. On n'a pas le droit de se faire des éloges à nous-mêmes. Est-ce que le fait de se dire salafi athari c'est se faire des éloges à soi-même? قال رحمه الله إذا كان صادقا أنه أثري أو سلفي لا بأس. S'il est sincère, il est véridique, vraiment il suit les salaf et il se dit athari أو سلفي لا بأس, il n'y a pas de mal. Vous vous rappelez que Nadir Abu Anas il a rapporté la parole de Cheikh Ibn Baz au début. Une faïda, hein, une autre parole de Cheikh Ibn Baz, il dit il n'y a pas de mal. قال مثل ما كان السلف يقولون فلان سلفي فلان أثري. Il rapporte que les salaf ils disaient هذا. Ils disaient فلان سان سلفي فلان سان أثري. Et il suit les salaf, il suit الآثار. Et de ceux qui nous ont précédés. قال والتزكية لابد منها تزكية واجبة. Comme Cheikh Ibn Baz, قال التزكية c'est obligé. Surtout à notre époque où tout s'est mélangé. Enfin, quand un frère maintenant il dit suis cet imam, ce prêcheur, ce savant, c'est un salafi. Est-ce que c'est pour diviser là? Pour montrer que cet imam, ce prêcheur, c'est un salafi? Et il suit le Coran, il suit le Sunna, et il suit, wallahi alhamd, les pieux prédécesseurs. C'est pas un ikhwani, c'est pas un tabliri, c'est pas un soufi, c'est pas un chiite. Alhamdulillah, il est où le problème? Ça pose le problème à qui? Que ça pose un problème aux mécréants, aux chiites, etc. C'est pas étonnant. Lakin, que ça pose un problème à celui qui prétend appeler au Coran et à la Sunna. نسأل الله الثبات. هذا من محاضرة une conférence de Cheikh Ibn Baz حق المسلم ألقيت بالطائف. أي c'est une conférence qu'il a fait dans la ville de Taif رحمة الله عليه. Ils lui ont posé cette question. ثم إلى سيت كلام شيخ الألباني رحمه الله. كلام شيخ الألباني il est connu, il est واضح. شيخ الألباني il a montré qu'il n'y a aucun mal de se dire salafi. ثم on peut lire un passage فقط. قال ولا شك أن التسمية الواضحة الجلية المميزة البينة شيخ الألباني قال il n'y a aucun doute que le mieux, le plus clair etc. c'est de dire أنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج سلفنا الصالح. Ça, il n'y a aucun doute. Et ma avant quelqu'un va rejeter هذا. Si quelqu'un dit je suis un musulman qui aime et qui essaye de suivre le Coran, la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs et les compagnons et les imams. Les imams de la communauté. Cheikh Al-Albani قال ou تقول باختصار انا سلفي. Ou vu que cette phrase elle est longue, enfin pour résumer, tu dis salafi. Et salafi ça veut dire je suis un musulman qui suit le Coran, la Sunna selon la compréhension des compagnons et des imams radiyallahu anhum. Aina, il est où le problème? Il n'y a aucun problème. Sauf celui qui veut des problèmes. Amma al-haq, il est clair. Thumma قال donc à la fin de cette feuille que Cheikh Abdel Aziz Rajih il a lu, إن الانتساب إلى السلف فخر عظيم يجب أن يفتخر به كل مسلم ويعتز به. انتهى كلام الطالب. ثم il a conclu avec le fait de s'affilier, de se dire salafi, c'est un fakhr azim. Sahih. C'est un bienfait parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un honneur normalement pour chaque musulman. Est-ce que Cheikh Abdel Aziz Rajih il a rejeté هذا? Ben il l'a lu. Il l'a lu et vu que c'est un cher, ça serait une erreur, il l'aurait dit. Pour lui, ça serait une erreur, il aurait dit là, cette feuille, Awolan, il ne l'aurait pas lu. Et même s'il l'aurait lu, il aurait montré que ce que tu dis, c'est une erreur. L'imam a conseillé son élève, c'est une obligation. Et le cher, il le sait très bien. Fahada. Wassou il a cher Abdelaziz Rajihi, dans le même livre, ils lui ont posé la question. Hal yaqul al-insan ana salafi? Est-ce qu'on peut se dire salafi? قال الجواب وسلف هذه الأمة هم الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء فإذا قال الإنسان أنا من السلف الصالح أو من أهل السنة والجماعة فلا بأس لأن السلف الصالح هم أهل السنة والجماعة. الشيخ عبد العزيز الراجحي lui-même il a dit si se dit أنه il est من السلف الصالح et bien sûr quand tu dis quand هنا il a dit je suis من السلف الصالح tu ne fais pas partie des سلف الصالح les plus prédécesseurs là tu les suis. قال أو من أهل السنة والجماعة إن يأكل مال. قال ومن ادعى أنه سلفي يريد بذلك التحزب فهذا ممنوع لا يجوز. أما celui qui se dit salafi et c'est du sectarisme pour rejeter les autres injustement, هذا c'est pas permis. Exactement la même parole que qui? Que Cheikh Al-Uthaymeen. Alhamdulillah, on avait détaillé هناك. قال وكذلك من ادعى أنه سلفي وليس بسلفي. Ça c'est un autre point qu'on a cité ou qu'on n'a pas cité, j'ai un doute. Al-Muhim, on le répète, كذلك, بعض العلماء, il rejetait cette appellation pour celui qui se dit salafi alors que ce n'est pas un salafi. Il se dit salafi alors que c'est un takfiri. Il se dit salafi alors qu'il a des tendances de ikhwan. L'ulama, il rejette هذا. Tu dis salafi, dis-le bihaq, comme a قال, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Si tu es véridique, il n'y a pas de mal. فهذا. ثم, il a cité, كلام, Cheikh Al-Fawzan, lakin dans une autre vidéo qu'il a propagée un ou deux jours après, ils ont demandé à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, à Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, هناك جماعة في بلدنا يدعون بالسلفيين ويقولون إنهم هم الطائفة المنصورة ويتخذون من الطعن في الدعاة والعلماء منهجا لهم بحجة الجرح والتعديل. ثم il a cité cette parole, ou cette question à Cheikh Al-Fawzan, فهل هؤلاء على النهج الصحيح. أي يا أن جروب دون تل بي سدي السلفي ثم les caractéristiques de ces salafis, اسمعوا, écoutez bien. Anahum, ils se prétendent que c'est eux le groupe sauvé. Ils mettent en garde contre les prêcheurs et les savants. Tout ça au nom du jarh et at-ta'dil, la critique et l'éloge. Est-ce que Haoula, ils sont sur la vérité? Cheikh Fawzan, qu'est-ce qu'il a répondu? Al-wajib ala al-shabab wa talabat al-ilm an yatruku hadhihi al-umur nihaiyan wa an yatawajjahu ila talab al-ilm. Il a conseillé les jeunes de délaisser ces choses et de se consacrer à la science. قالوا هذا من التشاغل بأمور الناس وزرع العداوة والشحنة بين المسلمين. اتركوا هذه التوجهات كلها إلا التوجه إلى المنهج السلف إلى منهج السلف هذا هو الواجب. ثم il les a conseillé de délaisser toutes ces choses. Ça divise, etc. C'est pour ça que Nadir Abu Anas l'a cité. لكن الشيخ الفوزان قال إلا التوجه سوف le fait de suivre la voie des salaf, c'est une obligation. قال والإنسان لا يزكي نفسه بل يقول أرجو. Comme il a précisé, on n'a pas le droit de se faire des éloges à nous-mêmes. Je fais partie du groupe sauvé. Et billah alaykoum, est-ce que vous connaissez des salafis qui disent هذا? Rabbama haoula, c'était des jeunes, des ignorants, ils débutaient, ils ont mal compris. Amma alhamdulillah, as-salafiyoun, talabat al-ilm, et min bab awla, les savants, abadan, ils se vantent, on est du groupe sauvé, on est du groupe sauvé. Bal al-an, wallah alhamd. Et les salafis, est-ce que tu entends un salafi dire tous les jours « je suis salafi » Et là, certains jeunes qui viennent de débuter, ils ont un manque de hikmah. Oui, alhamdoulilah, tu es un salafi, ça se voit dans ton comportement, dans ton suivi des savants, dans ton étude et ton amour de l'ilm, et principalement du tawhid et l'aqida. Fahada. Donc, la question qui a été posée à Charles Vouzin, la réponse, il n'y a aucun problème. Lakin, vous avez remarqué depuis le début, toujours, chaque savant qu'on cite, ils prennent d'un savant une fatwa. Ils pensent que c'est bon, c'est un argument pour eux. Ils propagent cette fatwa pour, si quelqu'un pose la question, c'est pas moi qui a dit, c'est Cheikh Fawzan. C'est pour ça que Nadir Abu Anas, dans cette vidéo, il le répète souvent. Il dit, Anna, je rapporte la parole de savant. C'est pas ma parole, c'est la parole d'un tel. Et à un moment, il y a cool, clairement, Anna, moi, je suis véridique quand je propage la parole de savant. Je n'ai pas propagé qu'un bout. Sahih, tu as propagé la fatwa du début à la fin. Lakin, si tu propages qu'une fatwa qui va dans ton sens et que tu n'as pas comprise, voilà, si on dit que c'est pas ton ignorance, ça peut être grave. Soïd al-Shir al-Fawzan, Hawidahullah, dans Sharh Kitab al-Tawhid. هل الانتساب إلى السلفية مثل قول الإنسان على أنا سلفي هل هي من التزكية وما حكمها وهل الانتساب إليها يعتبر من الحزبية أم لا؟ Ils ont posé la question à Cheikh Fawzan. Est-ce que se dire salafi c'est du sectarisme et est-ce que c'est se faire des éloges à soi-même؟ قال الانتساب إلى السلفية أمر طيب. Le fait de se dire salafi, c'est quelque chose de bien. قَالَ فَهُوَ اتِّبَعْ لِمَنْهَجِ السَّلَفِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Thumma il a cité le verset. Les mérites des tout premiers parmi les muhajirin ou l'ansar et ceux qui les ont suivis, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a agréés. قَالَ اتِّبَعْ مَنْهَجِ السَّلَفِ وَاجِبٌ وَهُوَ شَرَفٌ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ. C'est un honneur pour cette umma de suivre les salafs. Et là, un qal, wa la da'i an yaqul ana salafi illa idha kan hunak tamyiz. Et ça, c'est important. Thumma qala Cheikh Fawzan, et pas besoin de se dire salafi, sauf s'il y a un besoin. Enfin, ça nous montre anna, le fait de ne pas dire je suis salafi, hakada partout, khasatan ba'dan nas, ils ne comprennent pas, khasatan, il n'y a aucun besoin. Alhamdulillah, na'am. C'est un qawl wajih. Lakin sans rejeter l'appellation salafie, le fait de suivre les salafs. Falihada, parmi les cas où Cheikh Fawzan l'a autorisé, قال, إذا كان هناك تمييز, إذا وجدت جماعات كلها جماعة لها اسم فلا مانع أن يقول أنا سلفي. Même s'il y a plusieurs groupes. هذا إخواني, هذا تبليغي, هذا سان صوفي, هذا سان تكفيري, إلى آخره. والأخذي أنا الحمد لله, je suis un salafi. Je suis un salafi, je ne suis pas toutes ces innovations, je ne suis pas tous ces groupes. Avec tawad, sans se vanter, on répète, il est où le problème ? ثم قال أما أن القول أن الانتساب إلى السلفية حزبية فهذا فعل باطل. أما le fait de dire que la salafia c'est du sectarisme, comme les autres groupes, هذا c'est باطل, هذا c'est faux. قال الحزبية هي التعصب للباطل. الحزبية c'est le fait de s'entêter à suivre le faux. أما As-salaviyya, c'est suivre les salafs, comme il a démontré, cher Fawzan, hafidahullah ta'ala. Ta'ammalu, Nadir Abu Anas, dans un moment dans le cours, il a dit clairement, elle a ses appellations, elle divise. Et il a appelé à délaisser cela. Thumma qala, c'est pas ma parole, c'est la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen. On a cité la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen. Il a cité la parole de Cheikh Fawzan dans une autre vidéo. Cheikh Fawzan, on a, il montre clairement que si c'est pour se différencier des égarés, enfin, c'est permis. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Soit égarement, soit vérité. Il n'y a pas un chemin entre les deux. Avec les paroles des savants, propager ce qu'on veut. Wallah, il ne s'est pas fait maslahat. Celui qui propage, et kadalik, ce n'est pas profitable à ceux qui écoutent. فَتَّقِلَّهُ أَيُّهَا الرَّجُلُ. Crains Allah. Crains Allah. Les salafis, tu profiteras beaucoup d'eux. On ne dit pas qu'ils sont infaillibles. Certains, ils ont des erreurs. Certains, ils se précipitent. Comme tout le monde, les tablirs, ils n'ont pas d'erreur. Les soufis, ils n'ont pas d'erreur. Les ikhwan, ils n'ont pas d'erreur. Naam, lakin al-manhaj, il est infaillible, wallah alhamd. C'est la voix des compagnons, radiyallahu anhu. C'est la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la voix que Allah, il a agréé. Naam. Kadhalik, qala Cheikh Fawzan, et on finit avec hada, lianna al-waqt dahab. Qala, at-tassami bis-salaviyya, idha kanat haqiqa, la basabi. Donc, dans son livre, al-ajwiba al-mufida, des fatawa, dans ce domaine, dans Al-Manhaj, dans les réfutations, etc., ils lui ont posé la question et il a dit « At-tasmiya bis-salaviyya, se dire salavi, idha kanat haqiqa la basabi. » Si c'est vrai, c'est pas pour se vanter, c'est pas pour rabaisser les autres, c'est pas un mensonge, il suit vraiment les salafs, il n'y a aucun mal. « Qala amma idha kana mujarrad da'wa fa innahu la yajuz. » Amma c'est une simple prétention, fa c'est pas permis. « Fa hadha huwa kalam Cheikh Fawzan » حفظه الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. On résume cette première partie. أن الانتساب إلى السلفية, le fait de se dire salafi, أولا c'est aimer et espérer suivre les salafs. Les salafs, c'est qui? C'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est les imams de cette communauté qui sont venus après les compagnons radiyallahu anhum. Donc si l'insan, il les suit par amour, en espérant apprendre la vérité, en se différenciant des égarés, sans s'enorgueillir, sans se faire des éloges à lui-même, alhamdulillah, il n'y a aucun problème. Et on a cité la parole des imams que Had al-Akh il a cité. Et kadalik, on a rapporté l'unanimité que Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a cité. Amma si tu viens à lire les paroles de l'imam al-Albani, de Cheikh Muqbil, de Cheikh Mohamed Aman, il a akhiré, ulama al-Sunna, voilà, tu vas trouver nour. Laquelle on a cité fakat les paroles de cet homme, anahu, il a essayé de faire croire, par ignorance ou autre, anahu, il met en garde contre le fait de se dire salafi, wallahu ta'ala alam. Naktafi bihada, et la prochaine fois, ça sera sur spécifiquement sur les mises en garde. Et Anna, on répète, il a parlé de ces deux points. Le fait de se dire salafi et les mises en garde. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.